À l'occasion du 63e anniversaire de la grande victoire du peuple coréen dans la guerre de libération de la patrie, un rassemblement solidaire a eu lieu le 14 à Varsovie, Pologne, et à l'occasion du mois de la solidarité avec le peuple coréen, une conférence et une séance de film le 15 au cercle de la jeunesse d'études du kim-il-sunisme-kim-jong-ilisme de la province de Haute-Autriche de l'Autriche.